Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Si tôt le matin, je me réveille devant ta photo, je me recueille. Je sors sans déjeuner. Je pars pour travailler. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'importe le temps, tant que je t'aime. Le soir, je vais revenir, je refais ton avenir. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Thank you.